Avant, mon seul souci, c'était de voir ailleurs. Si je pouvais défier les gens et leur peur. Maintenant, je sens que je retourne vers l'intérieur. J'espère être à la hauteur. Le sang, c'est des couleurs qui me tient à cœur. Les liens qui se nouent me rendent pour un meilleur. Le vent qui gonfle ma vie et qui gonfle mon cœur. Il vient de vous chaque jour et chaque heure. Avancez. C'est passé, sa vie à côté, c'est sa vie à côté. Avant vos conseils, que du vent, je pensais, je passais à danser tout seul. Et pour ça, aujourd'hui, je les prends pour aller de l'avant. Et enfin, vivre calmement. Avancer. Sans passer. C'est passé, sa vie à côté, c'est sa vie à côté, avancer, yeah, yeah, yeah, sans passer. C'est passé, sa vie à côté.